Το φουγάμα το ήτο κομίνα με ατέ. Από σαν μισά μισό να λιτό μα. Μόκο διασία έπιση. Άλλο βακάλι μοσό. Μετέρο μόκο έλαγα μόκο. Ιω μάνα κομπό μόκο τσαλό βιο πονίσα ε. Ασέ μη μόκο το μοσάλα να μοσάλα. Μότικα μότικα σου έμω σο παραβανί. Comité central, un bureau politique, aux alina gouvernement, la fonction publique, aux alina privé, et à Zali Kota la biso, au Kosama Nali Tomba, au Kosama Nali Tomba. Osali docteur, salali kumbang, osali sabato, osali journaliste, kumisa kamboka na yo, osali musicien, salabande moto sabato, osali camarade membre du parti, sal exemplaire na société, topo y kokoso, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, motona motone sika na ye, okosa manali toma. Brazzaville est la capitale, capitale à Congo. Congo est la liberté, liberté d'expression. Congo est la démocratie, tola la constitution. Chaque yo baby si, patina peuple va kosa misayo. Mokonza lobi si, motona motone si kanaye. Okosa banali tomba. Osalina comité central, na bureau politique, Osalina gouvernement, na fonction publique, Osalina privé, l'état ali kota la biso, oko samba na litomba, oko samba na litomba. Mon économie est en bolan. Osali entrepreneur, Mimi Samaele entrepreneur. Osali docteur, Salaki Munga, Osali Sabato. Osali journaliste, Oumisa Kamboka Nayo. Osali musicien, Salavante Moto Sabato. Osali camarade membre du parti, salaire sans plein la société. Toboy Kokoso, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Otona motone si kanaye, Kokosa manali tobae. Sa ville est allée capitale, capitale à Congo. Congo est allée dans la liberté, liberté d'expression. Congo est allée dans la démocratie, dans la constitution. Ce qui est au même ici, à tout un peuple va qu'on s'amuse. Congo est allée au même ici, moto na moto n'est si canaille. Congo est allée dans la liberté.